La nuit commence là, quand je cherche ta peau, et que le long des draps j'imagine un pays. La nuit commence là, déposée dans mon ciel, l'empreinte de tes pas, des images et d'ici. J'essaie de fermer les yeux, dis-moi que fais-tu là, à rire dans le noir et caresser mon ventre. Je ne sais plus quoi faire, mais il n'y a plus de raison de résister encore à ce feu de saison. Tu sais, j'ai un peu peur, il faudra me soigner, puisque ce soir encore mon pays a brûlé. La nuit commence là, quand cherche ta peau, que le long des draps, j'imagine un pays. La nuit commence là, déposée dans mon ciel, l'empreinte de tes pas, des images d'ici.